Régal, caché parmi les feuilles. L'érudition est un légume malodorant qu'il faut faire bouillir et bouillir à nouveau avant de pouvoir le consommer. C'est un déluge, des pluies incessantes qui ont noyé les bois. N'en vient à envier ceux qui peuplent les hauteurs. Là-haut, au loin, sur Cachel, vivent ces êtres curieux, étrangers à notre communauté. Après l'inondation, il n'y avait plus de sol, que de l'eau. Les cimes des arbres, blanches de toile, des milliers d'araignées réfugiées. Brumeaux flottants, couvercles de brume et de fiel, menaces, porteuses de pluie et de mort, pourriture éthérée. Le ciel, forêt sur nos têtes. Dans cette immensité, noyée de pluies indistinctes, sans cesse renouvelées, les maigres talents de l'asticot se sont révélés indispensables à la communauté. Lui sait où trouver encore fruits, coques, noix, où l'on peut parmi les ortillons tirer sa pitance. Son discours malhabile, sa dégaine mal assurée, ne l'empêche pas d'être important aux yeux des siens. D'ortillon en ortillon, pied sec ou en barque, inlassablement il court la forêt noyée à la recherche de la pitance qui permettra à la communauté de subsister. Tient pas en place, avec sa petite lampe de poche, même la nuit. Elle affûte de buissons en broussailles, il chasse trac le petit ragondin que l'on fera cuire à la broche le lendemain. Les scolopendres qui subreptissent s'introduisent dans l'ortillon et menacent les plus jeunes. Il est toujours sur la brèche. Avec cœur de bois, ils sont maintenant tous deux à pied d'œuvre. Perdu dans l'immensité de la forêt. seul, loin des leurs, près du ciel lesté de ses pluies. Dans une presqu'aube indistincte où seuls les troncs surnagent. La forêt s'émute en marais, les repères se sont mutes en désert. J'étais convaincu que j'avais gardé ce que le vieux m'avait donné, la marque, la trace. Avait dit de suivre la trace qu'il avait marquée sur l'écorce qu'il m'avait confiée, et j'ai égaré cette écorce. Nous voilà maintenant paumés dans le bois. Ah. Comment on va se retrouver et on n'a pas la ressource de dragon ou d'un autre pour nous guider. Tu saurais trouver la trace. On doit bien sortir de ce bois et aller vers l'île. En ce bois, en ce désert, en ce marais, en cet enfer, nous sommes perdus. Oui, nous devons en sortir. La porte nous est inconnue. Seul Castel dans les bois nous rapprochera de la voie. À t'écouter, il faudrait aller vers le cachel Dans ce désert, il est le seul repère qui ait subsisté à l'inondation. Je veux bien, mais je suis convaincu que nous devions nous en éloigner. La trace, elle indiquait qu'il fallait contourner cachel. Éviter L'Arconte et ses séides. Et tu proposerais ainsi de se jeter à corps et âme perdus dans le bois sans aucun repère? C'est bien ce qui m'ennuie. Sarbacane, mais qu'allons-nous trouver dans les bois, hein, je te le demande. Les Orla habitent les bois, tu le sais très bien. J'ai ma Sarbacane. Puis on pourrait peut-être les distraire. Il s'assure de son arrosoir et s'enfonce un peu plus dans les broussailles et la brume, suivant une sente à peine esquissée, une coulée vague odeur et dans la clairière devant vous devant nous un abri comme en ménage les gens qui peuplent les abords de Cachel. C'est là où mène la sente que nous avons suivie. À mesure que nous avancions, les fougères se faisaient moins nombreuses. Le couvert végétal, les arbres, leur frondaison, moins resserré. Une espèce d'intimité partagée entre tous ces petits arbres fraîchement sortis de terre. À peine plus vieux que vous, à peine plus vieux que nous. Autour de la coque d'écorce assemblée patiemment par les habitants du lieu, mais déserté pour le moment. Entre les branches, les basses branches des arbres, il y a des fils. Des fils innombrables qui tissent un entrelacs, dense et gris. Un plumetis doux au regard. Partout au sol se trouvent des corps à demi pourris dans le sol, imprégnés de l'eau fangeuse et des visites répétées de serpentines jusqu'en ce repli. Peut-être est-ce la raison pour laquelle les gens ont déserté le lieu. Une vague odeur de charogne, mais toutes les tisseuses ne sont pas mortes. Certaines sont encore à l'ouvrage. Les chenilles qui tissent des fils pour passer de feuille en feuille. Les chenilles jaunes. Je m'approche, je tends la main vers l'une de ces petites créatures duveteuses. Je pose mon arrosoir au sol, observe attentivement le lent mouvement ondoyant du corps. Passe un doigt précautionneux, presque apeuré, sur les soies duveteuses qui ondoient à mesure qu'elles se meut. En tout cas, je m'en saisis. Elles sont bonnes, hein. Viens donc. Que fais-tu? Ils ont eu tort de laisser ces chenilles ici. Elles sont délicieuses. Mais tu vois pas? Tu vois pas les araignées et les morts? Il n'y a pas d'araignées, il n'y a que des chenilles ici. Ça va être plein de papillons quand les nuages se dissiperont. Tu as perdu la raison. Mais non. J'ai perdu mon chemin, j'ai perdu la trace et l'écorce. J'en dis qu'on vient pas. Je reprends une autre chenille. Mastique. Écoute, je te dis. Non. Comme tu l'entendras, soit toi qui auras le ventre vide le soir venu. Je ne te garantis pas, en nous éloignant ainsi de Cachel, que nous trouvions d'autres endroits où on affectionne la présence des sœurs tisseuses. Les sœurs tisseuses. Mange tant qu'il est temps, je te dis. Tu me le dis toi-même. Vois. Les araignées ont tout envahi. Les corps, là. La charogne. Les dépouilles. Ce sont des petites chenilles qui n'ont pas vécu leur vie. Je ne vais pas manger celles-là. Elles sont gâtées, mais celles qui sont encore sur les branches, ma foi, elles sont toutes bonnes. Mais... observe. Regarde. Je vois. L'illusion d'un rêve. Mais je ne vois pas tes araignées dont tu parles. C'est que tu en as trop mangé. Les araignées? J'ai pas mangé d'araignées, moi. Ce que tu manges? Moi, je mange des chenilles. Tu manges les sœurs tisseuses. Tu manges les araignées. Ce ne sont pas des araignées, ce sont des chenilles. Ce que tu montres sont des araignées. Mais en ton désert, tu as déjà succombé au premier mirage. Viens donc avant que l'on ne s'égare encore plus. Et au hasard de mes pas, au hasard de mes sens, je me faufile dans une de ces fourrés, dans l'une de ces allées de cette forêt devenue marais. Et tu délaisses l'asticot? Qu'il me suive. Il s'éloigne. Tu entends l'eau qui verse par moments de son arrosoir lorsqu'il s'arrête au pied d'un arbre qui livre sa provente de chenilles. Puis le flic-floc s'éloigne. L'asticot. Hein? Mais où est-ce que t'es passé? Viens. Qu'y a-t-il par là? On y va. On doit retrouver notre chemin. Oui. Je m'y emploie. Je m'y emploie mieux que toi et je ne sonne pas dans les mirages comme tu y sonnes. Tu es convaincu que j'ai mangé des araignées alors que je me suis délecté de succulentes chenilles. Fais confiance à mon talent. Tout ce que tu as mangé, Ce sont des araignées qui ont envahi le bois. Les sœurs tisseuses qui ont détruit l'humanité avec les mille veaux. Mais non, c'est le temps de péril. C'est le moment où les chenilles vont bientôt sortir de leur chrysalide. Nous aurons bientôt, quand les nuages se dissiperont, nous aurons bientôt une nuée de papillons. Une nuée de dépouilles, surtout. Car tu t'es délecté d'eux, ils se délecteront de nous tous. Mais c'est pas comme ça que nous arriverons jusqu'à l'île. En effet. Si tu me promets à la dévoration par les araignées, avant même que nous atteignions notre but, comment pourrons-nous ramener les graines pour nos ortillons? Tu te souviens de ce qu'a dit le vieux? Au-delà de Cachel, en marchant droit vers l'étoile bergère, on trouvera les réserves de graines. Bien sûr, moi. Emboîte mon pas. Je te suis. Puisque tu sembles savoir où nous allons. Mais sais-tu vraiment où nous allons? C'est toi qui as l'écorce? Je n'ai nulle écorce. La seule écorce, celle qui est dans mon cœur. On n'a pas d'écorce dans son cœur. Le cœur, on l'appelle le palpitant, il palpite. Contrairement à toi, jeune pousse effrénée, mon cœur est fait de bois, d'écorce et de sève. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu seras un arbre? Tu te transformerais en arbre comme ça? Ah, je suis pas d'accord pour voyager avec un arbre. Hein. Les arbres, c'est presque des orlins quand même. Hein? C'est plus effrayant que mes chenilles quand même. Ne t'es nulle chenille, seule une harde de frères tisseuses prêts à te dévorer. Tu cherches juste à m'effrayer, en fait. Non. De quoi pourrait être peuplé ce bois, hein? Mais tu cherches juste à m'inquiéter. Juste cela. Moi, j'en suis convaincu. Je me saisis d'une petite boîte d'os. Ou d'écume, quelque chose de blanc. Qui accroche un tout petit peu... les chatoiements du soleil qui monte maintenant dans le ciel, qui perce un petit peu les nuages. Au moins, avec ma boîte. Tu attireras la harde d'araignée. Ouais, les araignées, ça entend rien, d'abord. Écoute. Rends-toi utile. Tiens-moi mon seau, comme ça, moi, je peux tenir ma boîte. Fais taire ta boîte. Bon, écoute, j'ai refermé ma boîte, les sons se sont tus, et nous ne sommes... Écoute palpiter les forêts. Et que devrais-je entendre, mis à part les arbres bruissés? Mais je crois que t'as attiré quelque chose, hein. Il y a un drôle de bonhomme là-bas. C'est toi qui l'as attiré de par ta boîte. Ma boîte m'a toujours bien protégé. C'est une porte, ce bonhomme. Et regarde derrière toi, ce tapis des araignées. Des araignées? Retourne-toi. Et pourquoi me dis-tu ça si tu les vois? Et que tu me dis d'aller par là? Je te dis de te retourner puisque tu es si dubitatif envers tous mes propos. Et si je me retourne, qu'est-ce que ça changera sur les araignées? Et pourquoi, s'il y a des araignées, on n'a pas des canidés depuis longtemps, hein? C'est toi qui t'es vertu à rester. Je suis tout pâle. J'ai posé mon arrosoir. Je tremble comme une feuille. Allez, Elastico, il est temps qu'on décampe. Sinon, tu ne pourras même pas te réfugier dans la pomme. Dans la pomme? La communauté. Tu sais bien que c'est comme ça qu'on l'appelle. La pomme. Tu as même oublié ça. J'ai peur. Je suis en suquet. Les membres gourds refusent de me répondre comme si... un venin s'était répandu en moi. Un venin, un suc, une sève. J'ai pris racine. C'est la peur qui m'inonde. Je n'ose pas regarder derrière moi. Et le geste brusque. Je tire sec le roseau qui reste stable devant le flot, la harde d'araignée qui commence déjà à s'affairer. Je ne peux plus bouger, je suis paralysé. Je ne sens plus autre chose que mes mains et mon nez. Je sens à ma taille ma sarbacane. J'ai ma main droite dessus, mais je n'arrive pas à la saisir. J'ai un doigt qui repose. Je sens le roseau que j'ai poli longtemps. Mais je suis terrorisé par ce que m'a dit Cœur de Bois. Si des araignées sont derrière moi, je suis complètement entoilé. Je ne peux plus bouger. Enfin, je sors le harpon que j'avais dans mon dos. Et je troue d'un geste vif la grosse veuve, la veuve noire. Et son sang se déverse sur la toile qui déjà touche l'asticot. La toile, sous le poids de sa créatrice, s'effiloche, se tord, se corrode, et bientôt, la toile s'effondre. Le son de la chute sur le sol, du bruit mat, ressurgissent la peur et la douleur. Je ressens une froideur qui s'accompagne bientôt de myriades de petites piques qui circulent dans ma jambe. J'ai ma sarbacane, j'ai ma précieuse boîte à musique, mon violon est aux côtés, tout ce qui me rattache à la communauté. Apporter ton harpon. J'ai sur ma feuille et je n'ai pas apporté mon arrosoir et il serait d'aucune utilité. J'ai mon surnom, l'Astico, qui m'enjoint à quitter les lieux. Ma sarbacane qui est l'assurance de triompher du vivant. Ma boîte à musique qui me rassure, mon violon qui me rassure. La volonté, si tu me l'accordes, de poursuivre le chemin pour la communauté vers l'île. Et tout ça s'est symbolisé dans mes talents de jardinier. Et le symbole, c'est, j'ai précisé que je n'avais plus en main, à portée de main, mon arrosoir, parce que je vais l'abandonner sur place si toutefois je parviens à me sauver. Ce serait mon herminette qui pendouille à mon côté dans ma besace. Ce qui veut dire que j'ai 5 éléments, ton harpon, tu as décidé une araignée, donc 5 moins 10, 6 pardon, moins 10, ça fait moins 4. 13 moins 4, 9. Le différentiel par rapport à 15, donc je perds 6 points de sève, j'ai 6 points de souffrance. J'ai dit que j'abandonnais d'évidence mon arrosoir. Ta musique, mon violon, Les temps plus, je surmonte plus la peur que... ou est-ce la douleur qui m'aiguillonne ? Je lâche tout et d'un bond me coule, me fond dans le bois. Je cours éperdu, je sautille, trébuche, choix, me roule dans la boue. J'ai de la terre, de l'humus partout. Sur mes vêtements, je suis souillé. J'ai perdu ma besace, j'ai perdu tous mes trésors. Et j'ai mal. Mal à la jambe, mal à la cuisse. Je boite. Je suis hors d'haleine. Je suis seul. Non. Cœur de bois est là. Toujours près de moi. Mais j'ai tout perdu. Il me reste que ma lampe de poche en main. J'appuie sur le petit bouton à bascule. J'appuie. C'est lui, ça s'éteint, ça grésille. Comme les jours qui s'écoulent sur la communauté. Je reprends mon souffle. J'ai mal. Tu me verras plus sauter de point en point. Maintenant, tu pourras m'appeler le boiteux. Me souviens. Le vieux. Celui qui se plaint sans arrêt. Celui qui a toujours mal quelque part. Eh ben... lui, il s'est fait une superbe canne. Avec mon canif, eh ben je vais en faire une. Et contre mauvaise fortune, bon cœur, on va reprendre la route. Et on ira jusqu'à Q. Et là, on trouvera les graines. Et on fera pousser cela. Et jamais plus on manquera. Et jamais plus on bouffera ces cochonneries d'araignées. Et là, je vomis de peur. De stress, de crainte, de douleur. Je suis pâle. Je frissonne. Est-ce que Cœur de Bois a quelque chose à m'offrir, à me rassurer, pour me rassurer ? De ma sacoche miteuse en un cuir délabré, je sors une figure qui tient à peine dans la main, un cheval en ivoire, un cheval sauvage, Wildpferd. Sois-en sûr, mon ami, qu'il veillera sur toi. Garde-le précautionneusement et sois toujours sur tes gardes. J'y verrai. J'y verrai comme à la prunelle de mes yeux. Je me recroqueville. Des marques innombrables, comme toutes les vies qu'on a perdues inutilement dans cette forêt noyée sous les pluies. Mais si, comme le nombre d'espoirs que l'on peut encore avoir. Et maintenant, je me souviens, je me saisis de mon canif. Je m'approche d'un bouleau, je découpe le tronc, rapidement avec des gestes précis. En fait, je détache une feuille d'écorce sur laquelle, de mon canif, je trace le cheminement dont il me souvient avoir été instruit par l'ancien, le vieux. Comment me rendre à l'île de Kyo. Maintenant, je sais où aller, je sais comment y aller et avec qui y aller. De mon canif, je sculpte d'abord, j'ébarde, je taille. Une autre branche, cette fois-ci une branche de bouleau. Je l'écorce patiemment. La pluie ruisselle sur mon visage, mais je demeure imperturbable. Je travaille avec acharnement. Une volonté farouche. Et je sculpte en guise de pommeau à ma canne, dont je me suis assuré de la bonne hauteur, de la souplesse aussi. Je sculpte patiemment jusqu'à presque nuit l'araignée qui m'a mordu et qui a planté ses crocs dans mes chairs. Jamais plus une araignée ne me surprendra. J'ai gravé en mon esprit le cliquetis de ses mandibules, celles-là même qui ont percé mes chairs. Celles-là même que j'ai percé, ces chairs que j'ai percé de mon canif en fuyant la combe maudite. Je propose, si tu en es d'accord, de nous arrêter là. Mmh, et ça correspond au, selon la première mouture, à une première chute. À ce stade-là, moi j'ai récolté encore deux souffrances que je n'ai pas résolues. Mise en mort. Ouais. Pour moi, le terme de mise en mort est plus que. Plus parlant que. Alors. Canif, carte d'écorce, cheval d'os que tu m'as confié. C'est pas le cheval d'os. Oui, quoi. Mais c'est comme ça que moi je le baptise, je me l'approprie. Ma paire de bottes plastiques, ma lampe de poche. Non, puisque je me suis trouvé un autre surnom, il me reste une souffrance. Monsieur le boiteux, c'est un peu une souffrance de. C'est une souffrance, mais c'est ce qui m'affirme en tant que personnage. Maintenant, sur ce que nous avons joué, est-ce que tu as retrouver une partie de ce que tu avais envisagé en écrivant la première mouture de Sève. Oui. Est-ce que la dynamique proposée autour du jet de dés t'a semblé servir la dynamique de fiction et de chute? Je dirais pas qu'elle a. Elle a servi, je dirais qu'elle. C'est limite un goodies pour moi encore. Enfin, après, on est qu'à la première chute. Si ça se trouve dans les autres chutes, ça se verra plus utile. Mais pour moi, ça n'a pas eu un grand intérêt. Ça aurait été. Ça aurait très bien pu être. Si ça détermine un certain nombre de souffrances, mais pour moi, c'est. pas. Enfin, c'est encore un peu bizarre pour moi. Ça veut pas dire que. Toi, tu as choisi de dire que tu dominais par ton sens de la propos. D'accord? Donc, tu faisais un pas de côté, si je résume. Tu es allé, directement à la conclusion et tu as dit comment tu triomphais de l'adversité que tu as toi-même en tant que joueuse évoquée. Parce que tu en étais conscient, parce que, etc. On l'admet, mais dès lors, tu ne te confrontais pas à la souffrance. Tu utilisais ta métisse pour surmonter. Et je dois dire que moi, à titre personnel, moi, Claude, j'ai été surpris de voir Gabriel utiliser, du moins choisir ce terme de l'alternative plutôt que l'autre. Parce qu'en fait, ce que tu proposais, toi, dans ta version de... initiale, il n'y avait pas d'alternative. Il n'y avait pas de possibilité d'échapper à la souffrance, elle s'imposait. Là, on peut choisir de s'en détourner, ce que tu as fait. Je trouve que c'est très bien. C'est pas faux. Je trouve que c'est très bien. Moi, j'ai choisi de l'envisager et en fait, pour ma part, en observant les éléments qui composaient ma feuille de sève, j'essayais de me raccrocher à ce qui pouvait dépasser, me faire dépasser la douleur, la peur, faire dépasser la douleur et la peur que ressentait mon personnage. Dans cette situation-là, le dénombrement au travers du dé, bon, j'ai obtenu, c'est aléatoire, mais j'ai obtenu un résultat qui est somme toute plutôt bon. Hein, j'étais à 2 points de l'objectif. Je pouvais quand même presque payer le prix fort. Et néanmoins, j'ai payé un prix fort, mais qui n'est pas un prix. Alors c'est un prix qui inscrit le jeu dans une veine doloriste, mais qui ne fait pas du jeu quelque chose de nécessairement punitif, au sens classique de la démarche du jeu à l'ancienne, où si tu ne triomphes pas de l'adversité, c'est elle qui t'élimine inéluctablement. Alors, dans la version que propose Thomas et Corse, avec la mécanique autour du phénomène aux abois au supplice, l'état aux abois au supplice, on contourne cela et on est dans la dimension même active du jeu. Donc, ça aurait tendance à nuancer. Mais néanmoins, là, je me dis que, à l'usage, c'est une première approche, on a joué une trentaine de minutes, c'était une mise en bouche. En même temps, on a utilisé la mécanique du jeu, moi je m'y suis confronté pleinement, et je me dis que la mécanique fait ce qu'elle est censée faire, et elle peut alimenter, elle nécessite... si on veut être cohérent dans le récit, de faire un effort de... Alors, c'est peut-être un petit peu cuistre, c'est pas encore de la créativité, mais ça te contraint à puiser dans tes ressources pour trouver, légitimer en quoi tu perds. Pourquoi tu le perds et ce que tu peux gagner en retour. Qu'est-ce qui peut légitimer que la sève t'irrigue encore? Et je trouve que cette attitude ou cette posture et devoir solliciter l'autre, c'est une dynamique que je trouve plutôt intéressante. Qu'en penses-tu? Non, je trouve ça intéressant. Après, là, dans le cadre qu'on a vu, c'est sûrement qu'on l'a. Enfin, on l'a pas assez utilisé, mais pour une partie, enfin, pour une chute, c'est un peu logique qu'on n'utilise pas des tonnes de fois, puisque une chute, c'est une douleur, et les souvenirs qui en émergent, c'est une confrontation. Donc ça permet à l'épisode de temps qui revient à, entre guillemets, être en accord avec l'arrêté sur le jeu poétique de monsieur... La proposition d'Éric Nieudan autour de jouer Nieudan, poétique. Ouais. Et donc là, on est en plein dedans. Chaque chose qu'on dit, ça a un intérêt. Donc là, on est dans ces premiers critères de poésie. Et donc, le système, en soi, il devient soluble dans le jeu et il vient être moins important. Du coup, je pense qu'on peut... Du moins, moi, je le juger... Enfin, je pense pas pouvoir le juger à propos et de manière constructive dès la première chute. Je pense que ça se ressentira plus sur une longue durée. Et là, moi, l'idée qui me vient en t'écoutant et en repensant à ce que je viens de dire, en faisant le lien entre les deux, je me dis que justement, moi, dans ma relation, dans le sens relaté, la chute, pour reprendre ton terme, la chute de l'asticot, pour qu'il devienne boiteux, j'ai dit que j'avais la carte des Corses. J'ai cité un nom, Q, vers l'île de Q vers lequel aller. Pour autant, j'ai pas joué le flashback, le souvenir. Or, ce que propose vraiment le jeu, c'est de le jouer. Là. C'est un défaut de moi, joueuse. Je me suis pas suffisamment impliqué parce que j'ai la mauvaise habitude de me gifler. Et c'est un peu le précaré du figurant qui révèle pas dans un premier temps. Mais c'est vraiment, si c'est un intérêt, la chute et la découverte d'un souvenir, c'est de le jouer pleinement. Donc, là, logiquement, on aurait dû jouer, se projeter l'un et l'autre dans le souvenir. L'un et l'autre, peut-être pas, je sais pas. Bah, à moi, en tant que joueuse, si ça me semblait pertinent, mais sinon, si le souvenir n'est pas un souvenir de la communauté ou qu'il rattache aux hommes, or ce qu'on a implicitement d'acquis, c'est que c'est la communauté des Ortillons qu'on a vu au travers de la campagne Fripouille, c'est d'autres membres de cette communauté. J'ai moi mis un dragon, etc. Donc on les connaît. C'est a priori, on parle de l'arrivée de l'inondation, donc on est à peu près au même moment. Ou un peu avant. Et ça rejoint aussi la petite partie qu'on s'était fait avant les vacances où en plus on avait le même présage et là il y avait des araignées dès le début, voilà. C'était présent. Donc on est dans cette dimension là et là j'aurais dû, rétrospectivement de mon point de vue, en tant que joueuse, mais avec ma mauvaise habitude de meugie et de préparation, j'avais des éléments sous le coude sur le personnage et je les ai pas joués spontanément, mais c'était à moi de jouer le flashback et de te proposer de t'y intégrer en t'ouvrant des pistes, en m'arrêtant, etc. Et logiquement, dans l'équilibre d'une session, arriver à la résolution, et ben ça ouvre à peu près un temps de jeu équivalent à ce qu'on a joué avant. On a eu une scène de client, soit se résumerait en même pas 2 minutes d'exposition. On a eu une confrontation et après on a une introspection qui est le souvenir explorateur que les joueuses doivent s'employer à jouer vraiment. Et c'est là où moi j'ai raté mon coup en tant que joueuse et je t'ai pas proposé suffisamment d'éléments, mais c'est ça qui convenait de jouer. Et dès lors, on peut se dire que une session grosso modo un peu à l'image de l'empreinte ou la façon dont nous la jouions à cette table, une session c'est grosso modo une heure avec ces trois éléments là. L'exposition, la confrontation. Bah, ça et me le fait souvenir. Plus penser à Terre de Sang et Mille Veaux, la structure, plus qu'à l'empreinte. Mais les deux utilisent ce même procédé, même mais pas du tout de la même façon. Donc, autant l'empreinte, c'est illéductable, autant dans Terre de Sang et Mille Veaux, on est dans une dynamique où on joue jusqu'à temps qu'on n'ait plus envie de jouer, un peu comme ici, dans ça, on rejoint beaucoup. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est un mélange, je dirais, ouais, pour le moment, c'est un mélange entre les murmures de Chobnigora, dans la façon de compter, et Terre de Sang et Mille Veaux. C'était à peu près ce que j'avais commencé à développer la première fois que je l'ai écrit sur ma première version, sur ma première mouture. Et donc, je trouve que c'est pas... Ça garde tout ça, le jeu garde sa cohérence, mais doté d'un système fonctionnel et qui n'a pas une tonne de paradoxes et de contradictions intrinsèques. Là, je pense que tu as tout à fait raison. Que c'est effectivement cette paternité ou cette filiation qu'il faut retenir, et que c'est dans ce sens-là où il faut creuser et le développer par la suite. Moi, à ce stade-là, avec cette expérience de jeu et ce demi-ratage, mais qui m'est, de mon point de vue, totalement imputable, je me dis qu'on a une matière à creuser et qu'on peut l'explorer de façon alternative. Par exemple, qu'on peut très bien continuer à le jouer en parallèle de Fripouille, sous le concept de campagne discontinue. Sans avoir de temporalité bien fixée et le choisir à tout le truc moment. De temporalité pas fixée, ça il peut se retrouver pas dans Terre de Sang et Mille Veaux, ça c'est pas possible. Terre de Sang et Mille Veaux, c'est cadencé, c'est rythmé et ça va toujours vers l'avant, vers une chute. Oui. Là, inéductable, enfin quasiment inéductable, ou alors. Tu finis pas forcément bien, mais tu peux finir vivant, mais c'est pas sûr qu'il te reste que tout, tout mentalement. Ça peut être une élimination aussi, c'est ce que propose Terre de Sang et Mille Veaux. Alors que dans les murmures de Chobnigorat, on peut peut-être jouer plus avec le temps qui se perd, etc. Donc je pense qu'en fait, hormis le principe de save de base que j'avais introduit, c'était soit tu perds ta sève, mais tu regagnes ton humanité. Mais quand t'as plus de sève, tu crèves. Soit tu gardes ta sève, tu t'endures les trucs, tu fais le pas de côté, mais tu te transformes peu à peu en Orla. Ouais. C'était ça la proposition de base. Ouais. En reprenant un peu les termes actuels pour faire la... Et ensuite, c'est venu se coller à ça les deux jeux qui m'avaient... vachement plus c'était aux environs de d'avril juin, c'était un petit peu avant mon oral à Bibac. C'était à ce moment ça coïncide et je pense que on est sur la bonne voie.